Les éliminatoires du deuxième groupe de la compétition féminine pour la Coupe asiatique de la Confédération asiatique de football 2018 ont commencé le 3 avril au stade Kim Il-sung à Pyongyang. Voici les résultats du premier jour. L'équipe coréenne a battu l'équipe indienne par le score de 8-0 et l'équipe ouzbek a battu la hongkongaise de Chine par le score de 2-1. Les matchs se tiendront jusqu'au 11 avril.